casse les caissons. Trop mal pour toi petit gars, né sans ton père, vécu sans ta mère, t'es un vrai mec. Sérieux, trop mal pour toi petit gars. T'as survécu à l'Aldas, même pas un petit tour sur la Ducasse. Vas-y, je te fais une petite dédicace, je te paye même des Adidas si tu veux. Trop mal pour toi petit gars. Toi t'as un dur bien mûr, pas besoin de cure. Toute façon ça c'est sûr, t'es des miens. Même si t'es un Algérien, peu importe, je t'aime bien. Nique les racistes comme tu dis, j'aime pas te voir chialer du lundi au samedi. Trop mal pour toi petit gars. T'as jamais fait la teuf, jamais doqué de meuf. Qu'est-ce t'attends, te faire choper par les keufs. Tout ça à cause des vieux parents qui assument pas leurs conneries. Mais toi comme tu dis, au revoir connard. Au début t'as vu, on te croyait pour un coincé. On t'a cassé, t'es resté bloqué à cause de quelques tchopédés. Moi mais surtout, mets-toi pas à boire ni à fumer. Il est temps de fonder une famille, K2 est là pour toi. Rouya, profite avant qu'on prend la fuite. Tu rêves tant de voir ta maman, mais elle boit pour t'oublier. Quand elle te croise, elle se cache derrière son chemisier. Ton daron toujours pépon, tu crois, j'ai que ça à faire. Démerde-toi, on va te chercher de nouvelles affaires. Enfin une meuf, fais-toi un gosse et reste beau gosse. Fais pas la fashion victime, ou là on devra commettre un crime. Dis-toi, moi je suis toujours là. T'es né sans ton père, t'as vécu sans ta mère. Mon frère, profite avant que tu nous perds.